Qu'est-ce qui te plaît? Dis-moi ce qui te plaît. Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu veux boire? Dis-moi ce que tu veux boire. Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi ce qui te fait rire. Qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi ce que tu regardes. Qu'est-ce qui est si drôle? Dis-moi ce qui est si drôle.